Bien, Catherine Xandri est attachée temporaire d'enseignement et de recherche en poste actuellement à l'Université d'Amiens, en Picardie, et elle prend appui sur une thèse soutenue en 2013 à Strasbourg pour nous proposer une réflexion sur les rapports entre ce que l'on pourrait appeler l'espace urbain enclos et l'espace urbain forclos. Elle cherche à dégager et à caractériser, d'autre part, les principales étapes de cette respiration urbaine. Et pour cela, elle situe sa réflexion dans la longue durée, 6 siècles, allant du XIIIe siècle à la fin de l'Ancien Régime. À peu près. À peu près, on s'arrête au milieu du XVIIIe. D'accord. Donc 5 à 6 siècles, une période relativement longue. Elle appuie son analyse sur les cas de Strasbourg et de Metz, ce qui nous permettra de continuer dans le fil de ce qui a été abordé il y a un instant, et elle propose de distinguer dans cette histoire urbaine plusieurs phases, 3 phases qu'elle va détailler et justifier. Voilà, vous avez une trentaine de minutes pour nous présenter les conclusions de ce travail et peut-être des comparaisons avec d'autres villes éventuellement que vous aviez étudiées dans votre thèse. Alors, je verrai, c'est vrai qu'effectivement, la grande région n'existant pas encore au moment de l'appel, dans ma thèse, j'avais inclus Reims, donc j'aurais pu l'ajouter. Mais aujourd'hui, je pense que je vais me contenter de Metz et Strasbourg, ça sera déjà pas mal. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président. Quelque part, en fait, je rebondis sur l'introduction de Monsieur Jalabert, puisque ce que je vais évoquer maintenant, c'est un territoire. Ce n'est pas le territoire complet d'une ville, merci, ce n'est pas le territoire complet d'une ville, c'est le territoire, l'espace plutôt, qui fait la transition justement entre la ville intramuros et son plat pays, qu'on pourrait appeler le banc, la banlieue, qui va un petit peu au-delà des faubourgs. Effectivement, ce que j'ai pu constater, c'est que ces villes, Metz et Strasbourg, possèdent toutes au XIIIe siècle de très vastes faubourgs dont l'équipement n'est pas différent de l'équipement de la ville intramuros. En gros, on a bien une enceinte, mais elle n'inclut pas une césure franche dans la vie de la ville. A contrario, au XVIIIe siècle, on observe des villes qui sont totalement retranchées, j'ai employé ici le terme de corseté, à l'intérieur de l'enceinte. Et donc, c'est cette transition que je voudrais suivre en voyant ce qui est quelque part le plus facile pour l'historien et de suivre, c'est l'impact de la guerre et de l'armée sur cette transition. Sachant qu'évidemment, on pense comme éléments qui vont induire une dynamique les grands sièges que ces villes vont subir. Donc on a mentionné 1452 pour Metz, on pourrait penser à d'autres grands sièges sur ces villes, mais on va voir qu'en fait la transition peut être un peu plus diluée dans le temps, un peu plus longue. Il n'y a pas forcément, ce sont des épisodes qui vont jouer des rôles marqueurs, transformateurs, mais ce ne sont pas les seuls éléments de cette transformation. Donc, effectivement, je vais organiser ma présentation en 3 phases, sachant que pour cette présentation, je vais rester sur des fourchettes très larges, puisqu'évidemment, Metz et Strasbourg n'ont pas évolué au même rythme. La première phase, je l'ai dit, c'est ce qu'on constate au XIIIe siècle, c'est vraiment une très forte imbrication urbain-rural, la ville s'étendant bien au-delà de son enceinte, et à contrario, des éléments ruraux, par exemple des champs, pouvant intervenir. Alors, à Reims, c'est le cas clairement, on a des champs à l'intérieur de l'espace intramuros. Donc, XIIIe siècle, l'enceinte n'est pas un arrêt à la ville proprement dite. Donc ici, une vision de la ville de Metz. donc notamment avec ces très grands faubourgs. On connaît surtout les faubourgs sud avec Saint-Symphorien, Saint-Arnoux, Saint-Clément, Bourg aux Arènes. Mais on a également, alors pour mémoire, je rappelle qu'à cette époque-là, le bourg Saint-Julien, que nous on connaît de l'autre côté du rue de Vallière, qui actuellement est situé ici, là où sont les archives départementales de la Moselle, à cette époque et de l'autre côté du rue. Il y a eu un déplacement du bourg au cours du temps, on verra pourquoi. Donc il est ici et il est suivi de tout un chapelet de petits faubourgs qui longent le faubourg Est. Et on retrouve surtout ici énormément de grandes abbayes suburbaines aux côtés d'autres éléments de production, d'artisanat. À Strasbourg notamment, aussi une image. Ici, on retrouve ces champs qui s'intercalent, qui sont même des fois imbriqués à l'intérieur des faubourgs. On retrouve l'hôpital de la ville qui est extramuros. On retrouve toute une série de moulins. Donc vraiment, à ce moment-là, la ville ne s'arrête pas à son enceinte. Et ces faubourgs, parmi leur équipement qui est un équipement urbain, comportent des éléments de défense. Évidemment. Toute la question, c'est, bon, on veut se défendre, on se défend contre quoi ? Contre quel type de guerre ? Si je me base sur les chroniques de la ville de Metz, les chroniques de Philippe de Vigneul, je suppose que beaucoup de monde ici voit de quoi je parle. Déjà, ce qu'on se rend compte, c'est que la guerre, c'est quotidien. J'avais fait un compte rapide, entre 1415 et 1444, Metz est en guerre 16 fois. Donc tous les 2 ou 3 ans, on est en guerre. On est en guerre soit sur son propre territoire, sur son propre plat pays, soit on va intervenir dans une guerre ailleurs. Parfois, on a 2 guerres en même temps, une guerre chez soi, et puis on va aussi faire la guerre ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on appelle guerre ? Aujourd'hui, on a notre vision de la guerre, on a aussi la vision de la guerre de l'époque moderne. À cette époque, une guerre, c'est ce qu'on appelle des courses. C'est-à-dire, si je prends l'exemple, en 1324, la guerre des seigneurs, le roi de Bohême, il ordonne de faire la guerre contre Metz. Qu'est-ce qu'il ordonne ? C'est de courir et de bouter les feux par les villages et pays de Metz. Donc on n'est pas armé contre armé, on est dans une optique de raid. On parle de course, de pillerie, de rançonnement. En 1354, Philippe de Vigneul dit que les pauvres gens du pays messin étaient assaillis, pillés, battus, rançonnés ou pris prisonniers par les ennemis. Donc ce que l'on cherche à faire, on fait un raid sur un lieu, on fauche les blés, on fauche les vignes, on brûle, si on a moyen de brûler les habitats, on fait des prisonniers parce qu'il faut avoir des rançons, et on fait du butin. En gros, et le terme revient souvent, le pays est butiné. Et c'est contre ça qu'on doit se défendre. C'est contre ce type de guerre que l'on doit se défendre. Donc quel équipement est-ce que l'on va retrouver autour de ces villes, sachant que c'est ce type de guerre que l'on rencontre à cette phase? On a un équipement varié. Effectivement, on l'a mentionné, dans les 2 villes au début du XIIIe siècle, on a un agrandissement de l'enceinte. Donc, à Metz, on a plusieurs phases qui permettent d'englober par rapport à l'enceinte du Bas-Empire qui nous a été présentée juste avant. Donc, on a plusieurs phases. On englobe les anciens quartiers extramuros d'Outre-Moselle entre 1216 et 1226. D'Outre-Seille, donc là, on sait que ça se passe avant 1226. De Porte-Moselle avant 1227. Et on englobe le Neufbourg. À Strasbourg, l'agrandissement se fait en 2 parties. Donc, on englobe d'une part la partie nord entre 1200 et 1228, ce qui intègre 17 nouveaux hectares, et on englobe le quartier du Finkwiller entre 1228 et 1250. Et on se retrouve avec une surface intramuros de 100 hectares. Pour comparaison, à cette même période, Metz a une surface intramuros de 159 hectares. Donc, voici juste une petite image. un reste de l'enceinte médiévale proche de Sainte-Madeleine, sachant qu'elle a forcément été reprise au cours du temps et que notamment cette poterne est totalement moderne. Mais ça donne une image. Ce que l'on retrouve aussi, c'est que certes, la ville est fortifiée, mais les faubourgs peuvent être fortifiés de manière indépendante à la ville. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, on a une fortification à Sainte-Aurélie, sur le faubourg de Sainte-Aurélie, fortification en matériaux périssables, mais qui est fortification suffisante pour résister à une attaque de l'évêque en 1262. À Metz, on sait que le bourg Saint-Arnoux est clos dès le XIe siècle. Le bourg de Saint-Julien a une enceinte attestée dès le XIIIe siècle. Et en 1324, les sept de la guerre ordonnent que soit fortifié, ordonnent à un certain nombre de faubourgs, bourg des Allemands, Mazel, Stolzé, Chaponrus, Sainte-Fontaine, Parnemaille, de se fortifier, ou dans le, même s'il ne s'agit que de palissades, mais c'est il faut s'entourer de manière indépendante de l'enceinte de la ville et ordonne à Saint-Julien de renforcer sa propre enceinte. À côté de ces éléments, on retrouve, et là on est vraiment sur l'espace parce que on dépasse très largement l'habitat. On retrouve des structures qui sont des structures de tours de guet. Dans l'introduction, vous aviez mentionné les forts éloignés du 19e. On est sur le même principe. On a des tours de guet qui vont se placer aux limites du banc de la ville et qui vont avoir pour but de prévenir de l'arrivée des ennemis. Donc, à Strasbourg, entre 1392 et 1429, s'installe la Sainte-Hélène Warthe à la Rothenkirch. Alors, sous l'image, du coup, la Breuschek Warthe et la Grüne Warthe à la Montagne Verte. Ici, la Wiegeusel Warthe et la Hohe Warthe, dont j'ai mis l'image ici sur une gravure du 17e, qui se retrouve beaucoup plus au sud et qui est associée à un fossé. Sachant que ces tours n'ont pas forcément qu'une fonction militaire, elles sont souvent associées, la Hohe Warthe est associée à une auberge. Premier point, ce type de tour, donc tour détachée de l'enceinte, tour de guet. À Metz, on a également mention de tours dans les faubourgs, mais dans ce cas-là, de tours, un peu comme des manoirs défensifs, individuels, dans les faubourgs. Donc là, pour l'instant, on était sur des éléments collectifs. Là, dans les tours de Metz, dans les faubourgs, je ne parle pas des tours d'enceinte, on a des éléments de défense privés. Donc, on a mention de tours à Saint-Symphorien, Saint-Clément et une à Chaponrue. Si je retourne à Metz, on n'a pas de tour de guet. Ce que l'on a par contre, et on l'a aussi à Strasbourg, on a des portes avancées ou des fausses portes. C'est-à-dire qu'on a des portes sans enceinte. Donc on a mention de portes à Saint-Arnoux. Et voici un extrait du plan de Solignac de 1552. On a ici la porte de Saint-Arnoux avec le faubourg qui est détruit autour, mais la porte est encore là. On a une porte à Saint-Clément. On a des fausses portes à Mazel, Chaponrue, porte de Stolzé, donc tout le long, et porte de Sainte-Fontaine. Donc tout le long, en avant de l'enceinte, on a des portes. À Strasbourg, on a la porte du faubourg de Pierre, la porte de Sainte-Aurélie et une porte à la Cruteneau. On a également, plus éloigné, toujours de la défense privée, j'ai parlé des tours, des manoirs qui sont propres au faubourg, mais plus loin dans la campagne, le plat pays messin est émaillé de granges fortifiées. Donc ici, la grange de Grimont, qui est juste derrière, les ruines sont encore visibles, elles sont juste derrière les archives départementales de la Moselle. La dernière fois que j'étais passée, elles étaient couvertes de broussailles, mais elles sont encore là. Donc, on a aussi ce type de défense. Et enfin, on a des éléments qui ne sont pas des éléments de défense, mais on va voir qui jouent également un rôle à ce moment-là dans la vision qu'a la ville de son espace et des éléments qui vont être pris en compte par les assaillants. Ce sont les gibets, donc ici le gibet de Metz, qui est aussi un peu en limite de son banc, et tout ce qui va borner les bancs. Donc à Metz, on a les croix de Nicole Louve qui sont installées entre 1445 et 1449, donc ici la croix du haut chemin qui est un peu plus haut, et à Strasbourg, on a toute la série au XVe siècle des croix des bannis qui sont installées sur ces bancs. Donc là, c'est l'équipement que l'on retrouve, que l'on peut lister aux abords de ces villes. Maintenant, comment cet équipement est mis en place? On pourrait se dire que on sait en quoi concerne les guerres, on sait contre quoi on se défend, on va anticiper. Ce sont des éléments, logiquement, que l'on devrait mettre en place avant une guerre. Lorsque je lis les chroniques, je me rends compte qu'en fait, ce que l'on anticipe lorsqu'on sait qu'on va avoir une guerre, c'est surtout les vivres. On se... guerre de 1324, la guerre est déclarée. Ce que les bourgeois de Metz font, c'est qu'ils font rentrer les vivres et les gens du plat pays, pas des faubourgs. Les faubourgs ne sont pas évacués. On évacue les villages, et seulement si les gens le veulent. On fait rentrer les grains pour avoir des vivres, mais aussi pour éviter que le foin et le fourrage soient brûlés par les ennemis. De même, à Strasbourg, on a certes, juste avant 1392, on va faire une extension de l'enceinte, on va englober le faubourg de Pierre et le faubourg Saint-Aurélie. Entre 1401 et 1444, de nouveau avant un siège, on va englober la Trutnau, qui était déjà palissadée depuis 1387. Mais surtout, toute l'anticipation porte rentrer des vivres, faire l'inventaire, donc c'est en 1444, on fait un recensement, qu'est-ce qu'on a comme population intramuros, quel est le nombre des réfugiés, pour calculer combien de grains on doit garder dans les greniers. Et le reste, c'est un peu des réactions au coup par coup, en tout cas pour Metz, puisqu'en 1324, on mandate 7 bourgeois pour s'occuper des questions de défense, pour lister ce qu'il y a à faire, donner des ordres, etc., mais seulement après les premières attaques. Donc là, faire abattre ou fortifier certains faubourgs, comme je l'ai dit, cela vient après les premières attaques. Couper les arbres, toujours après les premières attaques. Évacuer les faubourgs. On évacue les faubourgs sud uniquement lorsque l'ennemi est à Manille et est en train de reconstruire un pont pour passer la Saye. Donc, les 3 jours que prend l'ennemi à construire le pont, ça donne le temps d'évacuer les faubourgs, mais on ne se retranche pas dans la ville avant. On reste sur les défenses des faubourgs. Et d'ailleurs, on se défend donc avec dans les faubourgs, et ce que font les ennemis, c'est que ce qu'ils attaquent, c'est les faubourgs. Donc la ville réagit en faisant des sorties pour contrecarrer des attaques ennemies sur les faubourgs. Et quand le roi de Bohême arrive près de Metz, en 1324, il s'installe à Grimont et il essaye de prendre, non pas la ville, il essaye de prendre le bourg Saint-Julien, contre lequel il lance plusieurs attaques qui échouent. Par contre, ce que font l'ennemi quand ils arrivent, et ça arrive régulièrement dans les chroniques de Metz, première chose qu'ils font, ils vont abattre le gibet pour railler la puissance, la justice de la ville, l'autorité qu'a la ville sur son espace. Donc ça, c'est vraiment le premier acte de guerre on abat le gibet. La seule vraie, je vais dire, attaque que j'ai trouvée qui va toucher la ville, c'est en 1429. Le roi, le duc de Lorraine, va faire installer deux grosses bombardes à Châtillon et va faire tirer dans la ville 29 coups qui ne font pas grand dégât. Ce que voyant les gens de Metz sortent leurs propres bombardes, mais ne vont pas tirer depuis la ville. Ils vont tirer depuis la Cornugéline, donc juste au-dessus de la confluence de la Moselle et de la Seille. Donc on sort les bombardes pour tirer depuis l'extérieur de la ville. Ils visent les bombardes ennemies. Le duc de Lorraine fait charger avec encore plus de poudre ses propres bombardes, lesquelles explosent. Et on peut dire que le combat, c'est ça, faute de bombardes. Du coup, le théâtre de la guerre à cette époque, lorsque l'on touche la ville, ce n'est pas la ville proprement dite, c'est les faubourgs. On abat le gibet, le duel d'artillerie se fait à l'extérieur, on se défend par sortie, et lorsque la paix est traitée à Metz, souvent, alors des fois elle est traitée à un lieu neutre, par exemple à Pont-à-Mousson, à d'autres occasions, elle est traitée plusieurs fois à Saint-Arnoult, dans les faubourgs sud de Metz. Donc là, on a vraiment cette première phase où les faubourgs ont un rôle propre, défensif, contre un type de guerre. Mais on commence à avoir une transformation, à savoir qu'on n'est pas dans de la programmation. Les faubourgs, après 1324, la plupart des faubourgs est vont disparaître, mais ne vont pas disparaître sur ordre, on va plutôt les laisser se déliter. Et on en arrive à une phase intermédiaire où les villes se retrouvent face à un choix. On se rend compte que les faubourgs sont fragiles. À partir de là, on a un choix, soit on les englobe, ce qu'on a vu avec Strasbourg, qui va englober, en s'appuyant sur les portes avancées qui étaient déjà réalisées, faubourg de Pierre, faubourg de Saverne et la Cruteneau, et qui va commencer à laisser se déliter les faubourgs à l'extérieur. Et Metz, on n'englobe pas. Par contre, on se rend compte qu'un certain nombre de faubourgs ont disparu suite à dommages de guerre. On ne s'est pas donné la peine de reconstruire ces faubourgs. Ce qui pose problème pour l'instant, j'ai l'impression, c'est toujours ce respect des abbayes suburbaines. Lorsque, au XIVe siècle, la ville de Metz est attaquée, à l'occasion, on va détruire les maisons, on ne touche quasiment jamais aux édifices religieux. On a juste mention Saint-Thibault, on va détruire le clocher parce que là, on a un danger immédiat. Mais on laisse les abbayes suburbaines. Donc là, on est à cet entre-deux. Par contre, on commence à avoir une plus grande part d'anticipation, c'est-à-dire que la ville de Metz va beaucoup plus régulièrement entretenir ses abords, beaucoup plus régulièrement, elle va faire couper les arbres. De même, les deux villes commencent à essayer d'assurer le contrôle de s'assurer le contrôle de cet espace proche. Donc, Metz va, vous savez qu'à Metz, on a l'enclave ducale du duché de Lorraine, du Ban-Saint-Martin, qui est juste presque aux portes de la ville de Metz. Et à partir de cette phase, la ville de Metz va interdire à ses bourgeois d'aider à reconstruire dans le Ban-Saint-Martin. Ça arrive à un point que l'abbé de Saint-Martin, du Ban-Saint-Martin, est obligé de justifier à la ville de Metz ses reconstructions en disant « si c'est de l'entretien, on n'est pas en train de construire des fortifications contre vous ». Strasbourg, de son côté, va commencer à acheter des villages qui l'entourent. Il avait déjà acquis Königshofen, il va acquérir le Neudorf et la Robertsau. Donc Königshofen qui était ici, ce qui lui a permis de le détruire en 1392, la Robertsau ici et le Neudorf ici. Donc il va commencer à construire son espace. Et de même, Strasbourg va commencer en anticipation à mettre en place un glacis, mais cette fois un glacis programmé et un glacis permanent. Devant une menace d'une attaque de Charles le Téméraire en 1475, là il va faire raser tous les édifices de culte extramuros qui ne seront pas reconstruits et 680 maisons et granges. On est en 1475, rien n'est reconstruit. En 1485, la ville réalise un édit disant qu'on ne peut construire à l'extérieur de son enceinte que des cabanes en bois de petite dimension, sans cave, avec toit de chaume ou de bardeaux, donc qui puissent être rapidement démolies. Mais on a toujours des éléments de la phase précédente. Metz, en 1518, se base toujours en partie sur ces fortifications de ces faubourgs restants, notamment Saint-Julien qui avait résisté à la phase précédente. En 1518, Philippe de Vigneul nous raconte l'histoire. Donc la ville est attaquée. Un propriétaire a un manoir fortifié à Saint-Julien qui semble assez suffisante et forte pour une course. Manque de peau, ce n'est pas suffisant. Le manoir est pris et tous les défenseurs quasiment sont tués. Donc là, on commence à se rendre compte qu'il y a une évolution et que ce qu'on avait auparavant n'est plus suffisant. Et on en arrive là à un changement fort, puisque jusqu'à présent, on a une évolution depuis la guerre de Course et on arrive aux grands sièges qui sont vraiment des sièges pour prendre la ville. Donc, évidemment, le siège de 1552 à Metz, où on a énormément de mémoires qui ont été rédigées, et on se rend compte que là, pour le coup, le duc de Guise anticipe totalement tout ce qui est possible d'anticiper. Donc il fait rénover les fortifications, il fait créer des plateformes d'artillerie, et des plateformes d'artillerie intramuros. Donc on n'est plus obligé de sortir l'artillerie de la ville pour tirer. On fait sortir la population non combattante, essentiellement les femmes et les enfants. On ronde les moulins dans les abords à l'approche de Charles Quint. On rase les faubourgs, édifices de culte compris, mais on n'oublie pas de translater les reliques dans la ville. Et évidemment, on fait le compte des vivres et des munitions. Et cette fois, après cette destruction de faubourgs, la Metz passe à un glacis total, rien n'est rebâti. Donc là, je passe rapidement puisque ça a été montré tout à l'heure. Et après ces grands sièges, donc on avait commencé par les glacis, et tout ce qui était, au lieu d'avoir une défense aux abords immédiats de l'enceinte, toute la défense est recentrée sur l'enceinte elle-même, qui devient une enceinte bastionnée lourde. Donc là, je ne fais que mentionner la première citadelle des années 1560, puisqu'on l'a vu précédemment. On a tout le système bastionné lourd de Metz qui est mis en place dans les années 1700, entre 1728 et 1741, par Cormontaigne sur un mémoire de Vauban. Et à Strasbourg, on a une construction bastionnée depuis les premiers projets du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle par Spechlin, adjonction régulière de bastions tout au long du XVIIe siècle, et lorsque Vauban arrive en 1680 pour faire le siège de la ville, on a déjà une enceinte qui comporte 16 bastions, 9 demi-lunes, un petit ouvrage à cornes et un rempart de terre continue. Et ce qu'il va faire, c'est ajouter ce qu'on appelle le verrou du Rhin, la citadelle, qui là, la création de la citadelle a un impact fort sur la ville, parce que autant jusqu'à présent la ville était tournée vers l'Allemagne avec le pont du Rhin qu'elle a construit, qu'elle gérait, et là la citadelle bloque cette dynamique. On change, on fait volte-face, on change de côté. Et on arrive dans à une phase totalement différente, puisque si je prends la ville de Strasbourg, Au XIVe siècle, la surface occupée au sol par l'enceinte représentait 7% de la surface intramuros. Ici, la surface occupée au sol par l'enceinte est deux fois plus grande que la surface de la ville intramuros. On a une enceinte qui occupe 453 hectares. Donc, d'ici, on fait le rayon comme ça, on prend la surface, cela fait 453 hectares, contre 230 hectares seulement pour la surface enclose. Donc, on a déjà ce changement. Donc, à cette enceinte, on avait le bastion, on a l'enceinte bastionnée, et Vauban fait le projet et le met en place, quelque part, de piéger les abords. C'est-à-dire qu'il va mettre en... Il invente des barrages. Donc, j'emploie le terme barrage parce qu'à Strasbourg, on parle du barrage Vauban, qui ont pour but de barrer les cours d'eau rentrant dans la ville et d'inonder les abords. Donc, à Strasbourg, il est ici. À Metz, il était à l'entrée de la Saille dans la ville. Et à Metz, ça n'a jamais fonctionné, pas que je sache en tout cas. Par contre, à Strasbourg, le barrage a été utilisé au siège de 1870 et a totalement inondé la partie sud. Ça ira. Changement aussi parce que jusqu'à présent, je parlais d'une ville qui se défend par ses moyens, des initiatives privées, et là, on arrive à une défense, et c'est parce que l'on est des villes de frontière qui sont prises par la France, des villes stratégiques. Les villes doivent céder leurs milices contre la présence d'une armée étatique. Et du coup, la défense, l'enceinte, devient la chasse gardée du génie militaire. Donc la ville ne s'occupe plus de sa défense. Villes aussi qui, du coup, deviennent des villes pour les militaires. On avait déjà des arsenaux, des chantiers. Maintenant, on a également les hôpitaux militaires, les casernes, les cimetières militaires qui apparaissent. Et en conclusion, je dirais que cette évolution, cette construction de la ville, tous ces apports militaires qui jouent sur l'évolution spatiale de la ville, en fait, ne dépendent pas seulement de l'évolution technique de la guerre, mais dépendent aussi d'autres éléments. Tout d'abord, cela dépend du but des assaillants. Une guerre de course qui a pour but pas vraiment de prendre la ville, mais de la harceler, de l'humilier en abattant le gibet, de la faire plier, par rapport à une guerre, à un siège moderne, où là, le but, c'est de prendre la ville, de prendre cet emplacement stratégique. Ce n'est pas la même chose. Cela dépend de qui défend la ville. Est-ce que la ville est défendue par elle-même? Et dans ce cas-là, elle a ses intérêts propres. Ou est-ce que la ville est défendue au nom du roi? Et dans ce cas-là, ce que l'on défend, ce ne sont pas l'économie de la ville, ce ne sont pas les habitants. Ce que l'on défend, c'est une forteresse qui est un pion stratégique. Et du coup, forcément, cela va jouer sur qui possède l'espace. On a vu que les villes cherchaient à acquérir l'espace autour d'elles pour pouvoir mettre en place leur défense propre. Mais arrivé au XVIIIe siècle, la défense étant chasse gardée de l'État, en quelque sorte, l'espace de la ville est divisé. Divisé entre ce que j'ai laissé en blanc, l'habitat privé qui est géré par la municipalité, divisé entre la mise en place des voies de grande communication gérées par les ponts et chaussées. Donc toutes ces voies, même intramuros, toutes les demandes d'alignement doivent passer par les ponts et chaussées et non pas par la municipalité. Et enfin, toute la surface de l'enceinte est gérée par le génie militaire, avec des commissions mixtes, ponts et chaussées, génie militaire, au moment où les voies de grande communication rentrent dans les fortifications. Et donc, je dirais que la fabrique de la ville par la guerre et l'armée, ça ne dépend pas seulement des actes de guerre qui se font sur l'espace. Cela dépend surtout des personnes qui font la guerre, comment elles envisagent la guerre et dans quel but elles font la guerre. Et ce sont ces actions, ces personnes qui vont créer la ville, en quelque, la défense de la ville, et donc ce sont les idées de ces personnes dont on va trouver trace dans l'évolution spatiale de la ville. Je vous remercie.